Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et Marc Chaunet au choix musical et à l'animation pour deux heures de bon rock progressif, du progressif d'aujourd'hui. On a des nouveautés, on parle des spectacles qui s'en viennent aussi, puis on a pas mal de bons spectacles qui s'en viennent. C'est le temps d'en parler. Et on a également le festival Terra Incognita. Vous connaissez le festival, j'espère. Vous pouvez aller faire un tour sur notre site internet www.terraincognita.radio. Et vous aurez tous les détails sur le festival. Vous aurez également les contenus musicaux. On y parle également du magazine Terra Incognita, dont le plus récent numéro 44 vient de paraître. Et allez faire un tour et vous pourrez vous procurer des billets au Centre d'art La Chapelle. Et on vous en parlera tantôt de ces spectacles. Pour débuter la soirée, on a la nouveauté de Matthew Parmenter, qui est chanteur également de Discipline, un groupe américain, et qui a fait quand même quelques disques en solo. C'est son troisième disque intitulé All Our Yesterdays, et c'est tout à fait dans son style très personnel. Il joue de tous les instruments sauf la batterie, un invité, mais sinon la guitare, le piano, le violon, accordéon, un paquet de synthétiseurs, tout ça. Donc on va y aller. Un premier extrait, c'est les deux premières pièces, Scheherazade et Danse du ventre, et on va poursuivre avec Hans, avec un second extrait de leur plus récent album Caviar Bobsled. Ça, c'est vraiment un super album. Hans, qui est en son à leur cinquième. Le premier était paru en 1996. Ça faisait déjà 7 ans qu'ils avaient présenté Strangelet, qui est un des bons. Là. Bruno en a fait jouer plus qu'une fois. Donc, du groupe Hans des États-Unis. Donc, un doublé américain. Et on poursuivra également avec un second extrait ou un troisième extrait de Ed Bernard. Bruno, non pas Bruno, c'est Michel qui vous en a présenté la semaine dernière. Donc, c'est un multi-instrumentiste là, de la scène de Toronto. Et son plus récent album, Polydactyle. Alors, on y va tout de suite en musique avec Matthew Parmenter. Thank you. Settling on the mountain, obscuring all the leaves. Purple violets, releasing sweetly. Summer's coming. Thank you. Sur les ondes de CKRL, à l'émission Terra Incognita, c'est le groupe italien Unreal City, tiré de leur plus récent album Il Paese del Tramonto, et c'était Ouverture Obscurus Fio. et Unreal City seront ici à Québec le 22 mai prochain dans le cadre de la 12e édition du festival Terra Incognita. Alors c'est donc il y aura Kinetic Element ce dimanche avec Unreal City et Sylvan. Le samedi il y a Inner Odyssey de Québec, Able Guns du Royaume-Uni et RPVL avec un spectacle rétrospectif de toute leur carrière. Et le vendredi soir il y a un spectacle qui est une reproduction d'un spectacle de Pink Floyd donné en 1969, The Man and the Journey, une mise en scène imaginée par Roger Waters, et de larges trames de ce spectacle ont été utilisées pour la trame sonore de Moore et également Uma Guma. Alors pour ceux qui étaient des amateurs de l'émission de Denis Barry, le thème là, c'était une partie de ça sur Uma Guma. Donc ça c'est vraiment excellent. Il faut que vous voyez ça une fois dans votre vie. C'est un hommage à Pink Floyd comme vous le de 1969 comme vous en avez jamais vu. Alors c'est au festival Terra Incognita au Centre d'Art La Chapelle donc les 20, 21 et 22 mai prochains. Un peu plus près de nous, il y a Steve Hackett qui s'en vient bientôt, la semaine prochaine, dans deux semaines, le 8 avril au Grand Théâtre, Acolyte to Wolf Light. On aura d'ailleurs une pièce de Wolf Light tout de suite après mon intervention, la pièce Corrie Chan Fire, et, qui serait probablement une partie de ça qui va être la musique d'ouverture du spectacle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il y a Dream Theater le 16 avril au Théâtre Capitole. Il y a Stickman le 28 avril au Cercle. On a le 27 mai prochain, ça a été annoncé récemment, Anderson et Ponty. Donc Jean-Luc Ponty et John Anderson qui sont ensemble pour un spectacle au Palais Montcalm, donc le 27 mai. Il y a également Peter Hamill qui va être à Québec le 2 juin prochain à la salle Sylvain Lelièvre. Ça fait plusieurs années là, qu'on l'avait vu en solo en 2008 et il ne fait presque pas rarement des spectacles maintenant depuis un an ou deux parce que avec son âge là il ralentit au niveau des spectacles, mais par contre au niveau des productions ça continue et il va avoir un nouveau disque de Van der Graaf Generator qui va paraître en septembre. Donc on sait pas encore le titre, mais il semblerait que il va avoir des longues pièces à développement. Et donc on aura Peter Hamill également au Club Soda Montréal le 1er juin. Et les billets sont en vente. Anderson Ponty, également, il y aura un spectacle à Montréal. Et pour le Stickman, ben, on aura une pièce de Stickman tirée de leur premier disque. Ils ont fait 4 disques jusqu'à maintenant. On aura une pièce de l'album Soup, la pièce Sasquatch, là, qui rappelle pas mal le King Crimson des années 80. Et on entend beaucoup, évidemment, de stick bass dans cet album. On a également, donc... Steve Hackett, on a, ben voilà, après Stickman, on aura Aurora Lunare, donc un nouveau groupe, mais en fait c'est un groupe des années 70, mais qui vient de sortir leur premier album, il y a 2 ans, c'est sorti sur Lizard Records, et on aura la pièce Segundo Dubio, mais tout d'abord Steve Hackett. Of stone that springs.

Le non servono a scrivere una storia di rabbia. sera che è scappato a chi è fuggito oltre la nebbia. le groupe IO Earth sur les ondes de CKRL à l'émission Terra Incognita. Alors, IO Earth, c'est un groupe du Royaume-Uni. C'est leur troisième disque en carrière, intitulé New World, un double CD. Et c'était la pièce, d'ailleurs, New World, qu'on vient juste d'entendre. Leur précédent, c'était Moments en 2012. Ça faisait déjà quand même quelques années. Il y a toujours Dave Curtin dans le groupe, mais la chanteuse a changé, ça, puis un guitariste. Ça a changé un peu le son du groupe. Je pense que New World, le titre d'ailleurs du disque le dit. D'ailleurs, j'ai lu une chronique dans le magazine Terra Incognita sur le Cruise to the Edge par Maryse Dallaire et Fred Simoneau qui sont allés là-bas faire le Cruise to the Edge 2015 et ils ont vu IO Earth et le spectacle a dû commencer probablement vers les minuit, presque une heure pour se terminer à 3 heures du matin. Il semblerait qu'ils ont donné un super bon spectacle, donc le groupe IO Earth. Et d'ailleurs, il y a plusieurs bonnes chroniques sur ça, des entrevues avec Kinetic Element, La Curva d'Ilesmo, Abigail's Ghost et des chroniques CD. Donc, vous pouvez vous procurer ce magazine Terra Incognita et également consulter notre site web Terra Incognita Radio Québec. Je voulais vous parler du pré-radioton. Comme vous le savez, les premiers 2 et 3 avril prochains, il va y avoir le radioton et on sollicite vos dons pour le pré-radioton. Et vous aurez la chance de gagner un cadeau d'une valeur de 200$, incluant des certificats cadeaux. Et si vous contribuez, donc, avant le radioton, d'un don de 20$ et plus. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de renouveler votre carte de membre. Et vous avez également, si vous renouvelez la carte de membre, vous avez la chance de gagner 150$ de certificats cadeaux à la boutique Le Pédalier. Alors, vous venez à CKRL ou vous allez sur le site www.ckrl.qc.ca. Et vous pouvez toujours écouter nos émissions en podcast, d'ailleurs, à partir du site de CKRL. Alors, on poursuit en musique. Oui, alors, un petit retour sur ce qui a joué juste avant. Donc, IO Earth, il y avait eu Aurora Lunare. C'est leur premier disque éponyme. Et juste avant, il y avait eu The Stickman. Qui seront en spectacle ici à Québec au Cercle le 28 avril prochain et Steve Hackett qui sera en spectacle au Grand Théâtre le 8 avril prochain. Et il y a avec Steve Hackett d'ailleurs Ryan Stolt qui est avec lui à la basse et à la guitare sur scène. Et Ryan Stolt a rencontré l'an dernier, je crois, John Anderson de Yes, et ils ont décidé de faire un disque ensemble. Là, ça va sortir bientôt, un disque donc de Ryan Stolt avec John Anderson. Il y aura John Anderson d'ailleurs avec Jean-Luc Ponty le 27 mai prochain au Palais Montcalm. Peter Hamill en début juin à la salle Sylvain Le Lièvre du Cégep Limoilou. Et ça fait des bons spectacles qui s'en viennent pour nous en plus du festival Terra Incognita les 20, 21 et 22 mai prochains. Alors on y va en musique tout de suite avec le groupe espagnol Herba d'Amélie, tiré de leur plus récent album Interiors à la superbe pièce Viaje. Et ce sera suivi du groupe italien, un nouveau groupe assez récent, leur second album Homunculus Res. Et on aura un extrait de la pièce Ospedale Civico, mais tout d'abord Herba d'Amélie. Thank you. Fugir del passat. aviat les cames són de pedra i em quedo sol i sento que aquests peus no faran més ni em queda prou alè per tirar d'ell condemna de romandre pel planta potser avançar al final. Entre les celles i sol. s'acercava aquí. No hi ha de signes de presència, trucada d'ulls, l'eternitat m'augurarà. I em quedo un mar ple d'experiència i de records. Thank you. À CKRL, à Terra Incognita, on écoute de la bonne musique italienne. Le groupe Homunculus Res, leur plus récent album, et un extrait de la pièce Ospedale Civico. Comme vous avez pu le constater, c'est dans un style très Canterbury. Et moi je trouve ça excellent. C'est très varié dans le style dans l'album et vraiment intéressant, une belle découverte Homunculus Res. Et on avait juste avant Herba d'Amélie, le groupe espagnol tiré de leur plus récent album paru l'an dernier en 2015, Interiors. C'est leur quatrième et c'est celui-là est vraiment excellent. La pièce était Viaggi. Si vous voulez voir les contenus d'émission, allez faire un tour sur notre site terraincognita.québec et vous pouvez y accéder par le site de CKRL également en allant sur le www.ckrl.qc.ca. Et vous allez dans la partie émission. Et c'est le samedi soir, vous nous trouvez toujours au rendez-vous à Terra Incognita. Et pour vous présenter de la bonne musique rock progressif, pour la dernière demi-heure, on a d'ailleurs, pour débuter, Stuart Bell, qui était dans Citizen Kane. Stuart Bell est son premier, il en a fait un deuxième, là, il est presque prêt, il va sortir bientôt. The Antechamber of Being Part 1. Et ça sera avec, vous reconnaîtrez les voix de Simone Rossetti et de Arjun Lucassen sur la première pièce Decoherence. Et ensuite, on enchaîne, puisqu'on parle du spectacle de RPVL qui fait Pink Floyd 1969. La pièce Cymbeline interprétée par RPVL sur Start the Fire, mais tout d'abord Stuart Bell. Once again I'm in the white light, knowing all yet knowing nothing. Empty space and empty thoughts, my feelings undefined. Thank you. corridor. The lights were on, but the mood was dark. A stairway reaches down into the night. With each step, the feeling grows. My heart is pounding faster. Not far to go, I can make it. I must remember. I open the door. I am the darkness pouring from within. A shadow, a shape, I take form in your mind. Thank you. C'est sur la musique de Pink Floyd, interprétée par le groupe allemand RPVL, que se termine l'émission Terra Incognita en ce 19 mars 2016. Et, comme je le disais tantôt, RPVL seront en spectacle à Québec dans le cadre du festival Terra Incognita le 20 mai au Centre d'art La Chapelle pour le spectacle demain de Journey, un spectacle imaginé par... mise en scène par Roger Waters en 1969. Donc, un spectacle à ne pas manquer, ainsi que le festival. Alors, c'était Bruno Côté à la mise en onde, Marc Chaunet à l'animation et au choix musical. Alors, on vous souhaite une bonne semaine. On vous dit à la semaine prochaine. Et restez des nôtres pour l'autoroute dans quelques instants avec Stéphane Villeneuve. À bientôt. D'habitude, un samedi soir, on fait pas de pouce longtemps. Bon, enfin, il y en a un qui allume. Ça commence à être le temps.